a le gazon le plus vert, qui fait des culbutes à l'envers, qui court plus vite que l'éclair, qui est le meilleur à n'importe quelle heure. C'est moi, waouh, waouh, waouh, waouh. Mes parents trouvent que j'exagère. T'as pas besoin de trop en faire. M'aimez-vous plus qu'à la cafraie. On t'aime autrement, tu es différent. Y'a qu'un à la casou sur terre. Je vous aime par un mes poussinots. Toi qui es sur le ventre, sur le dos. Toi qui es dans ton lit, toi sur le tapis. Toi qui as fait pipi, je t'aime aussi. Toi qui pleure et toi qui ris, n'aie pas peur que je t'oublie. Mon poussin, mon poussini, mon poussi poussi, poussinetti.